Vous êtes sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net, Toulouse, 40 rue Alfred Duméril. Il est 21h05. Nous sommes le 9 avril 2010. C'est nuisance. L'arrêt il est là, là. Ah ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est pour ça que t'as pas compris pourquoi je voulais jouer ça. Parce qu'en fait, tu sais, je viens de finir le boulot. Ah, t'habites quoi? C'est vers là-bas? Ouais, il habite juste derrière chez lui. Ah, d'accord. Ah, c'est le boulot, je comprends pas. Ouais, du coup, j'ai fini, quoi. Donc, je me suis dit, je vais passer le bras, et puis après, on va aller. Tu vas rentrer, tu veux que tu sois là? Le temps que j'ai chez toi, c'est tendu. Mais il faut que je sois à 7h, ben on peut traîner un peu chez moi si tu veux. Ouais, on va traîner, tu vas prendre. Tu veux aller à 7h où? Il faut que je sois à 7h à Palais de Justice. C'est faux, c'est ça. Ouais, je t'ai pensé. Ouais. So there's no way out of here. It'll always be the same old shit over and over again. Non, tu parles, il est content de te voir. Non, c'est always a way out of everything. I know it because I've been there. I'm back from hell and over again. I won't be the one. Tu as vu? As-tu vu la façon de faire? La lancinante passion de se taire? Le silence doré d'un azur bleuté encore une fois sur le verre hier de ma verdure. La passion ne sera pas ce soir une oblitération, non, pas ce soir seulement, voilà. Thank you. lassitude, même que je ne vois pas la de chat dans la de bi. Zombie, zombie, zombie. Dans la technicité. Je ne crois pas. Je reste pareil. Même que c'est vrai ce que je dis. Et que vous aussi, vous avez raison de croire ce que vous croyez. Mais là n'est pas la question. There was a day when people were so happy to be together. I don't say yesterday, and I don't say tomorrow either. I think rhymes are just a bullshit full of cans and full of it. I don't give a damn. I don't give a fuck. I will not be the one to tell you not to say what you mean. I mean, you are not the ones, the twos, the threes, the glorious nothings. I don't care. You will soon be the ones, the twos, the threes, on the verge of tempting the acid one. The zone in your head will not be a knot, not in your head. Will it? Will it? Hey, Willie, save me. I need a whale up my bum. And you, bum, stay over there with your money up your pockets that are downwards, and so you lose all the holes in your damn trousers. Now, what have you to say to this, Your Honor? Oh, my honor. My honey, honna, blood donut, a donut up my ass, holes everywhere, bloodied out by dickwads and penises of translucid, transparent verses of a kind of worship. I ritualize, and I'm addicted to it. Now, what have you to say, Your Honor? What have you to say? Le dosage entre célérité et sévérité. Vous pouvez faire partir de ce projet. J'ai besoin de vous là-bas pour faire partir de ce projet. À vous. À nous. Seulement jeter un marteau. Seulement jeter un marteau. If only I was a hammer. I'd a hammer in the evening. I'd a hammer in the morning. I'd a hammer. Oh, fuck it. Night long. Boom. Boom. Boom. Boom. Observe l'autre. Et pour quand? Pour quand, me dirais-je? Pour maintenant ou pour plus tard? La somnolence est dans mes veines. Et l'insolence aussi. Alors, que dites-vous? Que dites-vous? Mais diantre, je n'entends rien. Je n'entends rien. Que dites-vous? Vous ne dites sûrement rien. Après tout, j'ai toujours trouvé des rimes en haut pour faire chou, ou bou, ou genou, ou caca boudin. Car un, et deux, et trois. Oh oui, le trois est là. Il y a une grotte au fond du trou qui m'obsède jour et nuit, et malheureusement je ne puis y retourner. Il y a une grotte au fond du trou, et malheureusement je ne puis y retourner. Et puis, rien. Le néant. C'est ça, le néant. Le néant, c'est quelque chose de vulgaire, d'arrogant. Le néant, ça te fait chier. Ça nous fait chier. Alors pourquoi on fait le néant? Ce n'est pas nous, après tout, qui faisons. Nous sommes le néant. Nous ne puisons que dans nos forces. Atrophie mentale, hallucination, ratiocination, also, ich bin nicht ein Berliner, ich fick deine Mutter, weil ich weiß nicht, was ich sage, und das ist the truth. The truth is not what you hear, the truth is not what we bear on our shoulders. The truth is nothing but ourselves. I know it's not the truth. What I'm saying is not. It is and was something else. And I know now I will be there one day. Where is there? I should know. I'm here already. Saying I'll be there one day. Even though it's the evening now. And I'm still alive. I'm still all. I've. And A, C, B, D will not be the ones for me. My me's are more numerous than your eyes, and I see them everywhere. I see them in my head. They're bursting the sun apart. And I know now it was just a dream. Just a dream. Just a dream. A dreamer on a wing. Of blood, blood, blood, blood. I have no ashtray up my ass. It's in my hand. Parasites sont partout, partout. Ils me bouffent la tête. La tête est bouffée par ces parasites-là. Ma précieuse tête est bouffée par ces parasites là-bas. Je ne les connais point et je ne veux point les connaître car ces parasites-là, bas, bien bas, sont mis à nu par mon œil vigoureux. Ces parasites-là, bas, bien bas qu'ils sont. Et je pense les entrevoir encore une fois, une dernière fois pour la passion. Mais je ne puis tergiverser, je ne puis discutailler la providence, ainsi quelle prévoyance. Je fais de lire beaucoup pour m'inspirer. Je fais preuve d'une telle équanimité que j'en apprends même les mots les uns après les autres dans un dictionnaire rouge et vert, mais pas jaune, ni jeune, ni jeune. Je ne suis pas de ceux qui voient le miroir bleuté de leurs yeux cirés, larmoyés, contre une verrière dorée. Non, je ne puis envisager la possibilité que le secret ne reste point à la ligne, et la ligne n'a fait que débuter. Tu es sur un canal bien spécifique, un canal qui ne fait pas d'optique. Nous faisons du radiophonique et nous le savons. Nous savons le faire car nous avons pratiqué la radiophonie pendant des lustres et des lustres sans nous arrêter. Mais c'est là le problème. Le problème est justement là, là de la lassitude même que je ne puis vous dorer le mou, ni vous beurrer le flou. Finalement, il n'y a pas d'enfin en mai, car mets-toi ça bien dans la tête et dans la joie. Je ne puis rien rajouter à ta passion débilitante. Et je ne pense à rien. Pourtant, que dire ? Un vendredi soir, printanier, nié comme d'un niaiserie, d'un biaisé, j'aboutis au rythme qui va se terminer sur un clic. Entendu ce cliquetis, ce cliquetas, ce tas de clics, embaumés quels sont ces clics, et j'entends les oiseaux au loin me soupirer, le centenaire est bien passé. Il reste une décade avant la fin, prévisible qu'elle est, cette décade-là ne viendra pas. Car la fin n'existe pas pour nous. Nous sommes une société inintelligente à souhait. La sagesse nous quitte et nous sommes du bord, traversés par des uns et des autres, des unes et des autres, des neutres et des neutres. Je ne puis envisager la possibilité que la fin F-I-M soit la fin F-I-N de la chose C-H-O-S-E. Ou est-ce un Z comme nounou? Ceci est une ambiance sonore. Sonic. Onique, onique, onique. Le son. De son cru. Car le cru est fin. Le cru est très fin. Au palais. Brûlé. De la cigarette. La dernière. Toute dernière avant que j'arrête. Mais je n'arrêterai pas la clope. Non. Car elle me tuera. C'est elle qui m'arrêtera. Et tant mieux. Tant mieux. Je ne puis voir l'entremise de cette entrefaite. Et je ne comprends toujours pas ce que je dis. Ce ne changera donc jamais. Jamais je ne changerai. Eh oui, c'est vrai. Et pourtant ce mensonge-là me rend là, de la lassitude d'être là, même que je ne suis pas. Non, j'y crois. Moi j'y ne crois pas. Je ne suis pas. Pourtant j'y crois là. Thank you. version, l'histoire 2. L'histoire 2, qui fait peur à qui? Qui est à toi, qui est tout seul à 1. Pourtant, la façon n'est pas de faire n'importe comment. C'est moi. 2. Quelle. Suicide collectif sur la voie publique. Suicide collectif sur la voie publique. Pourtant, Léonard rit de nous voir si beaux en ce miroir secret, bien poli, pourtant dépoli, car impoli allait tout se faire mettre. Ainsi, d'un azur bleuté sur une bâche dorée, la mâche en salade vinaigrette ne fait toujours pas des mules. Pourtant la viande, elle, la bonne barbaque, est tante émue. Il est 22h05 sur un larcène ou une saturation mal voulue, car non voulu, un quart moins 5 fait 13 de 2 de 2 je suis un mégahertz dans ta face de raston, espèce de raston, raston comme un maton. Un mademoiselle Fion. Ça craque dans les chaumières, le toit en chaume, et bien, et chômeur. Le toit en chaume de ton azur bleuté est douce comme une senteur de rose sur la nuée du matin, bien que rosé, le violacé pourpre n'est pas couvert d'un nord, mais bien plutôt d'un sud. Alors ne découvrons pas l'ultime recours, couvrons plutôt le avec des la. Thank you. pas la fermer. Thank you. Vois-tu enfin? Enfin de chaîne? Vois-tu? Enfin, toute fin de chaîne, les chaînes déchaînées, enfin, vois-tu? Vois-tu la fin de la chaîne, enfin de chaîne? Vois-tu? La fin de chaîne, enfin de chaîne, enfui de chaîne, tu fus? Vois-tu? Enfin, la fin de chaîne, enfin de chaîne, tu tues? Tu pas? Pas? Tu pas? C'est pas la peine de faire attention aux autres. Si t'y arrives pas, fais pas gaffe, c'est pas grave. T'y arriveras. Peut-être. Ou peut-être pas. Finalement, je m'en fous pas. Pas. Tu pas? T'es de ceux qui se tuent, toi? Parce que moi pas, pas. Non, moi pas. Alors pourquoi tu fais ça, toi? Hein? Pas. Tu pas. Tu pas. Ce serait déjà trop tard d'être là. Alors que pourtant tu ne seras que ce que tu es déjà. Vois-tu? Enfin. La fin de la chaîne. Enfin. Enfin de chaîne. Vois-tu? Vois-tu la possibilité qui arises on a wing bat of a bat, baseball bat? I'm bad, and I don't fuck, and I don't give a fuck, I don't care, I just don't care about anybody or anything else but myself. I love this life, I love the pain, I love the anger, I love the sane fields of glorious wombats, wombats everywhere. Wombats, they're singing their song, and I don't care about anything else but myself. I'd rather be the one, two, three. I'd rather be the one, two, three on your soul train. Soul pain was going on and on forever. I don't think so, no. I don't think there's a way out of here. There won't ever be a fucking goddamn way out of this fuck place. Do you think I'm not the one? Do you know now what you see is not what you reap, you stupid dumb fuck motherfuckers? I don't care. I don't give a fuck anymore about anything else, but anything else is not what I'm looking for, and that's not the way it is. It won't ever be the way it is. It's just the way it'll ever be. Will it ever be the way it is? Finally, I would like to finish with a stupid motherfucking word for all you other fuckers out there. All you other motherfuckers. In other words, daddies. Hello. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Là-bas? T'es là? Allah? T'es là? Mais non. Pourtant, si, il se peut qu'il n'y ait pas de futur transversal. Se le peut-il? Non, ce n'est pas une façon de dire la chose qui fera changer la chose. Non, ce ne sera pas la façon de faire qui fera percuter l'obnubilance faction de libre entente tacite, pourtant exposée. Exposée. Exposé sur une implosion de possibilités. Je ne vois toujours pas. Je n'entends pas. Je ne puis dévisager la torture mentale d'un être sans âme. bien que jamais dit, monsieur ne saura jamais être. Pourtant, la façon de faire est toujours omnubilance de santé, vivre, enfin être, ou ne pas être, ne pas vivre. Non, je ne veux pas ne pas vivre, je ne veux pas ne pas être. Je suis de ceux qui sont, je suis même de ceux qui sont. Alors que sont-ils ceux qui sont, ou semble-t-il être un autre qu'une autre, qu'un ensemble d'êtres qui commence par zéro? Un gros zéro dans ton cul. Un gros zéro dans ton cul. Ce symbole, le zéro, le néant, le vide, la vacuité mentale. L'avons-nous? Oui, nous l'avons ce symbole, puisque j'en parle. C'est magnifique. Mais qu'en dire? Rien. Il n'y a rien à dire du rien. Le néant n'est que façonnance. Fascination de l'être sur une table rase d'opérations chirurgicales comme transmutation. La transmutation de la pensée n'est pas, nous l'avons prouvé antérieurement. Ainsi, posteriori à, n'a pas l'expression correcte d'une verbalisation intempestive. Je m'explique. Les cliquetis-cliquetas sont un tapotage, un tapoting, un tappinget, un taspodique, un vacillité sporadique, et j'en ai rien à foutre. D'abord, je m'en fous. Oui, j'en ai rien à foutre. Mais de quoi? D'ici à là-bas, il n'y a rien qu'en plus, je ne dirai pas ce qui est. Mais bien plutôt ce qui n'est pas, ce qui ne naît pas, même que je ne suis pas né. Je suis oreille, je suis cul, mais je ne suis pas mourir. Moi, ne pas être mourir, être ou ne pas être mourir, écoutons mourir les possibilités débiles. Je suis tenté de dire débilitante, d'un reniflement intempestif. C'était une nuisance. Et oui, la nuisance sonore, même Sonic Nick, est finie pour maintenant. Et j'espère, putain, pour toujours, bordel.